J'ai senti une déclaration de guerre, carrément, ces images-là. Mais hier, on l'a carrément dit, en face du Parlement, il y a des porte-paroles de syndicats qui ont carrément dit ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. C'est une déclaration de guerre, on le sent. Oui, mais attention, nous vivons dans une société où il y a encore une majorité de gens qui pense que tout doit se négocier autour des tables et pas de cette façon-là. Que devons-nous faire, justement, Madame Bombardier, nous, comme citoyens, que devons-nous faire? La majorité silencieuse peut-être devra ne plus rester silencieuse et descendre elle-même dans la rue éventuellement. Mais je pense qu'avant, les gens, il faut s'appuyer et là faire un effort d'espoir, quoi, de se dire que les Québécois ne veulent pas d'une société qui serait au bord de l'anarchie. Et là, il faut dire aux policiers qu'ils se déguisent, aux pompiers qu'ils se déguisent, et aux employés municipaux qui s'habillent comme s'ils sortaient de leur lit, hein, et qui ont l'air des itinérants dans leur façon de s'habiller pour protester. Il faut leur dire que l'habit fait parfois le moine.